pour les podcasts. Et puis je n'oublie pas Sébastien Abraham qui m'a permis également d'intégrer la radio. Donc on en reparlera un petit peu de Sébastien tout à l'heure parce qu'il propose un événement ce samedi à la cathédrale d'Orléans et on en parlera tranquillement en fin d'émission. Pour nous joindre, c'est facile, si vous voulez poser des questions à mes invités, savoir un peu ce qui se passe dans leur association et puis leur actualité en tant qu'artiste, eh bien c'est possible, c'est le numéro de la radio, le 02 38 43 48 00. Mais vous avez aussi la page Facebook de l'émission, donc c'est Côté Association l'émission, bref, vous savez tout. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, on va passer une heure avec Pascal et Patrick, que je salue. Bonjour messieurs. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, bonjour Patrick. Pascal, par contre, ton micro, on va le... Un, deux. Non, le micro ne marche pas. Je pense que tu vas peut-être passer sur un autre micro éventuellement. Alors, on est en direct. Eh oui, ce sont les aléas du direct. Les aléas, mais pas de souci. On passe au micro bleu. Alors, on retente. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je ne t'entends quasiment pas. Un, deux, ouais. Alors là, je suis au taquet. Bonjour. On va faire avec celui-ci. Bonjour. Ah. Allez, c'est mieux là. Là, c'est mieux. Et eh ben, on va faire comme ça. Alors, avant toute chose, est-ce que pour vous ça va? Très bien. Parfait. Bon. Peut-être que en quelques mots, parce qu'on va passer une heure ensemble, je vais peut-être vous laisser la parole afin de vous présenter aux auditeurs et auditrices de Côté Association. Pascal veut prendre la main ? Eh ben, si tu veux. Donc, je suis professeur toujours bénévole depuis 2015 de l'association Musique et Improvisation. Ouais. Voilà, donc j'enseigne dans l'association les cours de piano essentiellement, en cours individuel, cours collectif. Je m'occupe aussi des ateliers. Les ateliers, c'est quand on mélange les élèves entre eux pour qu'ils puissent créer des groupes. Donc, ça peut être des chanteurs, des saxophonistes, violonistes, tous instruments et pianistes, bien sûr. D'accord. Et puis, je m'occupe aussi de l'éveil, voilà, l'éveil musical pour les tout-petits. Et puis, voilà, encore plein de choses dans l'association, administratif, etc. Mais même s'il y a un bureau derrière. Alors là, tu t'es présenté sous la casquette de l'association, en tant que professeur actif et bénévole, mais tu as une double casquette aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je suis pianiste des Tuner Fraser, voilà, qui est un groupe que promeut l'association. Voilà, et puis nous avons Patrick, notre chanteur des Tuner Fraser, qui est là présent, et on est quatre dans le groupe. Il y a aussi Anaïs Vaillant qui est clarinettiste, et puis Magali Caumont, la sculptrice, voilà, du groupe. Ça peut paraître étonnant, mais Patrick, il en parlera un petit peu plus tout à l'heure. C'est prévu. je vous rassure, j'ai retrouvé mon émission, mon interview. Bon, bah, très bien. Donc on va parler forcément de Magali et d'Anaïs également. Voilà, et puis... Et puis quoi dire d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, tu me poseras des questions après. Écoute, maintenant, on va laisser la main à Patrick. Voilà, donc moi, je suis, on va dire, un satellite de musique et improvisation. Ouais. Parce qu'effectivement, comme le disait Pascal, moi, je suis l'auteur, le compositeur des chansons des Tuner Fraser et aussi le chanteur. Et effectivement, l'association Musique et Improvisation nous soutient depuis le début, puisque elle nous permet d'avoir une structure administrative d'une part, et puis d'autre part, elle nous permet aussi de pouvoir faire la promotion de nos chansons, puisque, et c'est le cas sur le concert qu'on va probablement évoquer le 14 décembre, puisque à Viglin, c'est invité par l'association Musique et Improvisation que les Tuner Fraser proposeront au public à la fois les chansons de leur premier album, mais aussi en exclusivité celles du deuxième album en préparation. Et ben voilà, donc je crois également que dans l'association tu as un autre rôle. Moi, je t'ai déjà vu dans certaines auditions où tu joues un peu Monsieur Loyal, tu présentes un... Voilà, rôle. c'est ça. C'est-à-dire que lorsque l'association organise les auditions des élèves, eh bien, donc, à la demande de l'association, je viens pour faire un peu l'animation, un peu comme je le fais aussi sur d'autres événements. Je pense à la foire aux asperges de Tigy, par exemple, où depuis maintenant quelques années, je fais aussi cette animation. Voilà. C'est une activité qui me plaît bien et je suis très content de pouvoir mettre cette envie-là et cette capacité-là au service de l'association de musique et improvisation. Alors en tout cas, ça te va bien pour t'avoir vu en action. Merci. On va revenir, alors on va partager le temps de l'émission en deux. On va parler un petit peu de musique et improvisation, on va rappeler un peu les fondamentaux et puis ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qu'elle propose. Et puis on partagera le deuxième temps de l'émission avec les Tourneurs Fraser et l'actualité, je dirais brûlante, hein, qui arrive bientôt. On commence tout de suite avec un petit brin d'histoire, un peu. Comment est-ce que l'association Musique et Improvisation t'est venue, comment l'envie de créer cette structure-là t'est venue, Pascal? J'imagine peut-être que tu n'étais pas tout seul à ce moment-là. Au début, je crois que j'étais tout seul. dans ta tête, oui. Voilà, dans ma tête, exactement. Et après, il est venu l'idée de vouloir créer quelque chose autour de la musique, puisque j'enseigne depuis maintenant officiellement depuis 1997 la musique. Donc voilà, avec différentes structures et différents intervenants, qui jouent autour de ces structures. Et puis avoir quelque chose qui m'appartienne un petit peu plus, dans le sens où voilà, je voulais exprimer la musique et partager la musique dans mes valeurs à moi. Et donc j'ai trouvé après des gens qui avaient les mêmes valeurs et qui ont décidé de construire un bureau pour monter cette association. Voilà, donc et puis après on s'est mis autour d'une table et puis on a dit qu'est-ce qu'on peut mettre comme valeur et qu'est-ce qu'on peut mettre comme idée nouvelle et comme des petites choses différentes de ce que ne font pas les autres. Voilà, puisque c'était pas le but de rajouter une école supplémentaire, c'était le but de partager des choses différentes et sous une autre manière. Voilà, donc la première chose qu'on avait mis en place et qui existe toujours, hein, c'était comment que ça puisse être accessible à un plus grand nombre, à la fois au niveau public large et au niveau financier. Voilà, donc on propose une adhésion de 30 euros à l'année. Et avec ces 30 euros, on peut prendre des cours, ce qu'on appelle des cours gratuits, nous, dans l'association. Donc, c'est des cours qui sont offerts aux adhérents, qui durent 45 minutes. Il y en a 5 par semaine, hors vacances scolaires, voilà. 3 sur Viglin, puisqu'on a deux locaux, un local à Viglin et un local à Orléans, et 2 à Orléans par semaine. Voilà, c'est des cours qui sont proposés... voilà, chaque fois qu'il y a des semaines. Quand tu dis offrir ces cours au public le plus large, c'est aussi en termes d'âge, aussi bien aux enfants, oui, tout à fait, aux adultes. Tout à fait. Nous, notre cette année, notre amplitude, le plus petit élève a 3 ans. Voilà, c'est Mathis. Et notre élève la plus âgée, les plus âgées, voilà, les doyennes, ont un petit peu plus de 80 ans. D'accord. Oui. Voilà. Et au milieu, il y a tout. Voilà, tout ce qu'il peut y avoir au milieu. Alors, comment est-ce que l'on pourrait définir un peu la singularité de Musique Improvisation, si ce n'est déjà les cours collectifs, les cours gratuits aux adhérents, mais voilà, ça c'était un moyen d'accéder à l'instrument, puisque les cours gratuits sont essentiellement sur piano, c'est ouvert à tous les adhérents, mais il y a des adhérents qui viennent sans leurs instruments, ceux qui sont par exemple dans les ateliers et qui viennent faire du piano à ce moment-là. Ou alors c'est ouvert aussi à tous les adhérents qui veulent venir avec leur instrument, il n'y a aucun souci, puisque c'est moi qui les anime. Et puis, l'autre particularité, c'est qu'en fait, on peut entrer et sortir vraiment quand on veut. Voilà, il n'y a pas de planning de septembre à juin. On peut arriver en décembre, en janvier, en février. Une fois qu'on est inscrit, notre adhésion est valable pour un an à partir du jour de l'inscription. Et puis, après, chaque mois, du coup, on décide du nombre de cours qu'on prend. Donc, ça peut être des cours individuels, des cours collectifs, ça peut être des ateliers, ça peut être de l'éveil. Voilà, en instrument, on a guitare, clarinette, piano, et en voix, on a chant. Voilà, en ce qu'on propose en activité de cours. Et puis, tous les cours sont sous la même forme, c'est-à-dire qu'on peut soit faire du cours en individuel ou soit en collectif, quelle que soit la pratique de l'instrument qu'on décide de faire. En gros, si je peux me permettre une petite interruption, un petit complément, moi qui suis un peu extérieur à l'association, ce qui m'intéresse dans la façon dont bosse l'association, je mets ça en relation avec ma propre expérience. Quand j'étais petit, j'ai pris des cours de musique où en fait tu faisais du solfège et puis après tu faisais de l'instrument. Et moi, j'étais vraiment dans une méthode très traditionnelle, hein, c'est-à-dire que tu faisais d'abord le solfège, c'était ça qui était important. Tu faisais une dictée de notes, et si t'avais pas 20 la dictée de notes, t'avais la double peine. Non seulement tu prenais un coup de règle sur les doigts, mais en plus t'avais pas le droit de toucher un instrument. Et il y a des générations de gamins qui ont été, je pense, dégoûtés de la musique pour cette raison-là, parce que le solfège était une espèce de préalable au plaisir de pouvoir jouer de la musique. Alors que là, l'originalité, me semble-t-il, de l'association de musique et improvisation, c'est que le point de départ, c'est l'apprenant, c'est-à-dire que au cœur de la démarche, t'as la personne qui vient pour apprendre la musique. Elle vient avec ses envies, elle vient avec son enthousiasme, elle vient avec ses émotions, et c'est à partir de là, c'est-à-dire à partir de la personne, que les cours vont être construits, et non pas une personne qui va devoir venir se prendre des piqûres de savoir et qui va devoir s'ingurgiter des heures de solfège avant de pouvoir oser toucher un instrument. Et du coup, ça amplifie, avant même de connaître la musique, le plaisir d'avoir envie de jouer, et donc forcément, ça donne des musiciens beaucoup plus heureux, quoi. Bah, c'est partir un peu, c'est la méthode un peu Montessori, partir du plaisir de l'enfant à apprendre, à découvrir. Mais je crois que musique improvisation, Pascal, tu t'es formé avec un monsieur. Oui, qui s'appelle Martenot. Alors, c'est pas lui en personne. Exactement, mais il y a une fondation qui permet maintenant, qui dispense des formations. Il y a une association. Sur laquelle tu t'appuies, je pense. Oui. Oui, en fait, c'est la méthode Martenot. C'est beaucoup basé sur la créativité, sur le jeu collectif, sur le plaisir et sur le jeu et le son de l'instrument. Si je parle du piano, voilà, au départ, et après il y a toute la partie théorique, qui peut se mettre en place, ou qui doit même se mettre en place, puisque ça se fait assez naturellement, mais c'est le jeu d'abord et la pratique de l'instrument d'abord, et après on détaille un petit peu plus la partie théorique. Et donc la dernière fois que tu étais venu dans l'émission, tu parlais d'éventuellement de continuer à te former, passer un nouveau niveau encore. Oui, alors c'est encore dans les projets. Oui, c'est tout à fait dans les projets. Là, il y a une appellation qui s'appelle la certification Martenot. Donc du coup, ça me permet d'enseigner sous le nom Martenot jusqu'à des fins de cycle 2. Donc c'est des élèves au conservatoire qui correspondent à des 8 années de piano d'instrument. Oui. Voilà. Et puis après, si je veux enseigner sur le côté plus professionnel à d'autres professeurs, ou à des élèves de ce qu'on appelle le cycle 3, après il faut que je passe un diplôme, Martenot, et une fois que ce diplôme est délivré, j'ai la possibilité d'avoir la casquette Martenot pour enseigner à toute personne désirant apprendre cette méthode. Donc si je comprends bien, c'est la mise en pratique de cette méthode Martenot qui permet d'animer des cours collectifs, individuels, mais aussi des cours gratuits. Et alors, j'avais une question par rapport aux cours gratuits, c'est-à-dire que tu peux recevoir les adhérents qui sont à jour de leur cotisation, mais j'imagine que il y a peut-être des enfants qui viennent, des adolescents, des adultes, et qu'ils n'ont pas tous le même niveau au niveau de la pratique de l'instrument. Ils ont très rarement le même âge, alors, les mêmes goûts, rarement les mêmes personnalités, mais le but de l'exercice, c'est avec toutes ces différences. De créer un morceau en commun en 45 minutes. Voilà, et c'est toi qui est le point central un peu Voilà, je leur donne des consignes assez simples, donc ces cours fonctionnent sans partition, puisque ce serait assez compliqué par rapport au degré de chacun d'utiliser une partition et de la déchiffrer comme ça en quelques minutes. Donc c'est des consignes qui peuvent être assez simples ou assez sophistiquées suivant le niveau d'élève, puisque les élèves, je commence à les connaître au bout de quelques cours, donc je sais ce qu'ils peuvent emmener et vers quoi je peux les emmener. Par exemple sur ma salle à Orléans, j'ai un piano à queue et deux pianos droits, donc on joue sur des vrais instruments, des instruments acoustiques, et tout le monde joue en même temps, c'est parti pour créer un morceau en commun, avec souvent une part aussi improvisée, où ils ont chacun un tour de rôle à un moment où ils peuvent s'exprimer tout en ayant les autres derrière qui continuent à jouer. Ça, c'est intéressant. C'est... voilà, un peu l'idée du cours gratuit. Ou alors, ça peut être aussi une autre formule où c'est un des élèves qui propose une idée, qui me dit, tiens, moi, je veux apprendre, je sais pas si je prends ce que j'ai eu l'an dernier en cours, il y en a un jour qui m'a dit, tiens, je veux savoir ce que c'est un rock. Et du coup, en 45 minutes, on a fait un rock avec les 3-4 élèves qui étaient là. Et je leur ai expliqué la structure du rock et comment on joue un rock. Et ils ont chacun mis la main à la pâte et ils ont fait un rock ensemble. Alors là, on parle d'instruments, mais est-ce que vous permettez aussi aux gens de travailler leur voix? Parce que la voix peut être un instrument également. Oui, il y a un professeur sur Orléans et un professeur sur Viglin, qui sont deux professeurs différents. Ils ont une particularité un petit peu aussi dans leur enseignement, c'est que sur Orléans c'est plus des musiques actuelles, le répertoire, et puis sur Viglin c'est plus du classique. Voilà un petit peu la différence entre les deux profs. Et puis après ça dépend aussi des horaires et des plannings, etc. pour la mise en place des cours. Bien, et au niveau du matériel, tu parlais de piano qui était installé dans ton local à Orléans, est-ce qu'il a fallu investir dans d'autres instruments pour... Alors on a toute une palette de percussions pour les cours d'éveil. On a sur Viglin trois pianos, deux pianos à queue et un piano droit, voilà pour les cours. On a investi aussi dans quelques clarinettes qu'on a pu mettre en location cette année pour les nouveaux élèves qui ne peuvent pas investir directement dans les instruments. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près voilà l'ensemble des. On a des tableaux, voilà, avec c'est des portées, voilà, enfin on a du matériel quand même, voilà, qui nous sert à enseigner, à être dans de bonnes conditions. Si on fait un petit point pratico-pratique, le coût de l'adhésion, tu l'as dit, 30 euros l'année. Oui. Et après, les cours collectifs et individuels sont. Alors, pour le cours individuel, c'est 33 euros les 45 minutes. Mmh. Voilà, quel que soit l'instrument ou la voix. Voilà, c'est les mêmes tarifs qui sont alignés pour tout le monde. Et le cours collectif, il y a deux tarifs. Si on est deux en duo, c'est 20 euros les 50 minutes. Mmh. Et à partir de trois, c'est 16 euros de l'heure. D'accord. Et est-ce que, comme pendant les vacances scolaires, est-ce que Musique Improvisation propose des stages? Oui, on a fait un stage. Alors, on n'a pas accès, là, cette année, on a, d'ailleurs, je remercie au passage la ville d'Orléans qui nous prête la MAM, la Maison des Arts et de la Musique, pour l'atelier 1 le mercredi et le jeudi. Mmh. Voilà, on a une grande amplitude de temps, heureusement, et ça nous permet d'avoir beaucoup de monde sur Orléans. Et puis. Le tarif, les stages, et pardon, on était sur les stages pour les vacances voilà, scolaires. J'avais oublié le début. Bah, pour les stages, oui, on a eu donc des stages sur Viglin parce que sur Orléans, c'est pas possible pendant les vacances. Et voilà. Et j'ai une élève qui m'avait posé une question sur la pratique du piano contemporain. Mmh. Donc, du coup, bah, je l'ai fait sous forme de stage et ils étaient trois élèves pendant une journée. Trois élèves sur Viglin où on a fait un stage avec deux élèves de Viglin et une d'Orléans qui est venue d'Orléans voilà, faire son stage. Et en général, les stages sont ouverts à tous. Alors, on n'est pas très, très. On est en train de voir un petit peu comment on peut les communiquer un peu mieux par rapport au site, par exemple, qu'on est en train de refondre là et qui va être prêt peut-être début 2020 pour que ce soit voilà, visible par tous. Les stages en général sont ouverts à tous. Adhérents ou non adhérents, et il y a un tarif préférentiel pour les adhérents. Bon, bah très bien, je propose qu'on fasse une petite pause musicale, et puis on enchaînera après tout doucement sur les auditions des élèves, parce que ça se passe pas forcément comme dans les autres écoles de musique, et on glissera naturellement vers les honneurs Fraser. Alors avant, on va s'écouter un petit morceau du groupe Maffé, parce qu'il me semble que les honneurs Fraser avaient joué lors d'un vide-grenier organisé par le comité des fêtes des Saint-Arpents. C'est plein de choses. Voilà. Mais le premier groupe qui avait joué sur le premier vide-grenier des Saint-Arpents, c'était Maffé, un groupe parisien. Et donc, on va les écouter avec plaisir tout de suite. Maffé, un monde parfait au final. Petite maison où vit une belle famille, plantée là entre deux vallons, à bonne distance de la ville. Tout y est simple, sans prétention, bien loin de tout ce qui brille. Pas question de consommation, le bien n'est que chose futile. Venu de loin, on s'y rassemble, lorsqu'on sent qu'on va se noyer. Et là, on reste tous ensemble, à s'écouter sans se juger. Le point commun qui nous assemble, trouver un peu d'humanité. Bien loin de tout ce qui semble être bouffé par la société. Moi je rêve d'un monde parfait et qui n'est pas prêt d'exister. Quand on sait que le seul intérêt c'est le taux de productivité. Moi je rêve d'un monde parfait et qui oserait sacrifier son désir d'atteindre les sommets et de briller en société. Je possède le dernier iPhone. Je ne cesse de me moquer de ceux qui ont un téléphone qui ne sert qu'à téléphoner. Quand par malheur je n'ai qu'une barre, que je n'ai plus la 4G, c'est comme si tout mon monde bizarre d'un coup s'écroulait sous mes pieds. Mais avec mon voisin palier qui me regarde m'énerver, pas une seconde je n'ai pensé que je pouvais communiquer, parler avec lui de la vie, de nos projets, de nos soucis. Ça fait longtemps que j'oublie ce que c'est que d'avoir un ami. Moi je rêve d'un monde parfait et qui n'est pas près d'exister. Pourtant c'est que le seul intérêt, c'est le taux de productivité. Moi je rêve d'un monde parfait et qui serait sacrifié. Son désir d'atteindre les sommets et de briller en société. Pour toi, faut pas se faire de bile, l'argent sert juste à acheter toutes ces choses si inutiles dont tu pourrais bien te passer. Et comme ces besoins si futiles, tu trouves que tu n'en as pas assez. Tu t'en crées plus et tu rempiles en remerciant la société. Dans cette douloureuse crise, de bien vouloir t'aider à dépenser en une seule mise l'argent que tu n'as pas gagné. À coup d'achat et de crédit, à taux variable, à taux élevé, les banques t'accordent même si t'as pas les moyens de rembourser. Mais moi quand je sens, je perds la raison, qu'il me semble que je pars en vrille. Mais moi quand je sens, je perds la raison, vite du vent, je perds pas de temps, je file. Association, une émission animée par Fabien Dumas sur Radio Arc-en-Ciel le jeudi de 14h à 15h. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Côté Association. Aujourd'hui, je reçois Patrick et Pascal de l'association Musique et Improvisation, mais également faisant partie du groupe Les Tourneurs Fraser. J'allais dire duo, mais ce n'est pas qu'un duo, Les Tourneurs Fraser. Hein. Alors, on va continuer rapidement sur musique improvisation parce qu'on a parlé des cours un peu qui étaient dispensés. Mais forcément, à un moment donné, il y a peut-être un spectacle de fin d'année ou des auditions qui sont présentées ou des examens. Alors, je crois qu'on parle pas d'examen, mais on parle d'audition de printemps à musique et improvisation. Alors, en quoi ça consiste, ces auditions? C'est quoi? C'est un examen pour tester, pour évaluer les élèves, ou c'est Non, pas du tout, du tout. La musique, voilà, nous, on la partage et on la dispense d'une manière complètement loisir, on va dire. Donc sans cursus, sans cycle, etc., sans examen. Voilà. Et puis par contre, voilà, cette audition qui est maintenant, tous les ans, annuel, qui s'appelle Au son du printemps, voilà, qui est en général au mois d'avril. Avec la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a une audition à Orléans et une audition à Miguelin. D'accord. Voilà, on a réussi à avoir les salles de chaque côté, de là où on enseigne, dans nos localités. Et puis, donc on remercie bien évidemment voilà, les communes partenaires Miguelin et Orléans, qui nous prêtent ces salles pour faire nos auditions. Et puis la particularité de l'an dernier, c'est qu'en fait, il y avait que des groupes, voilà. Donc tous les élèves ont joué en groupe, aucun élève en individuel, parce que l'association commence à avoir pas mal d'élèves, et si on passait tous les uns derrière les autres, ça ferait une audition à rallonge. Donc on a décidé avec le bureau, voilà, de faire des cours collectifs, et ça permet aux élèves de, voilà, de jouer ensemble, de se mélanger, d'apprendre un petit peu différemment pour ceux qui sont habitués à jouer tout seul. Et puis voilà, et puis une grande convivialité dans l'audition. Et puis on a aussi partagé avec d'autres associations. On a notre trésorier qui est guitariste et chanteur, qui a écrit une chanson pour Clara. Voilà, l'association pour Clara, Un Arc-en-Ciel pour Clara. Et puis on a décidé ce jour-là de la faire à l'audition, donc avec le cœur des élèves, avec avec deux chanteurs principaux qui sont Sylvie et Christophe. Et puis, il y avait une bassiste qui était une des élèves, voilà, que je donne un petit peu de cours de basse à Manon. Et puis moi au piano, qu'est-ce qu'il y avait, Christophe à la guitare, et puis le reste en voix. Donc voilà, c'était un moment assez fort, et puis ça permet aussi de faire connaître autre chose que ce qu'on fait d'habitude, et de se mouiller un petit peu, voilà, pour les autres associations aussi. Aussi, oui. Alors ça ressemble à une audition, mais ça ressemble plus à un petit spectacle où chacun présente un peu un morceau commun, travaille ensemble. Voilà, exactement. Oui. Et puis, au début, je dis que c'est les élèves pour les élèves, mais voilà, c'est ouvert à tous. Donc, y a des gens qui peuvent, voilà, assister sans en entrée libre, sans condition à l'audition, et voir comment ça se passe, et nous connaître, et partager, et voir comment on partage la musique, parce que c'est important de voir les élèves jouer et tout le plaisir ou la tension qu'ils ont à jouer, mais tout ça dans un cadre bienveillant. Donc, voilà. Et donc ça se passe souvent au mois d'avril, hein, oui. À la salle des fêtes de Viglin. Oui. Voilà. Et une cette année à la salle de la MAM. Voilà. À Orléans. Donc de mémoire, c'est le dernier dimanche d'avril sur Orléans à la MAM, et le premier dimanche d'avril à Viglin. Voilà. Très bien, mais on en reparlera. Je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être le 6 et 28 ou ces eaux-là. Mais bon, dès que voilà. Tu les auras, on les voilà. Dans c'est sûr, c'est réservé déjà. Mais je crois qu'à la dernière audition, donc il y a eu cette belle chanson pour Clara, et après le pot de l'amitié, il y a eu le tourneur Fraser, en l'occurrence, voilà. Patrick et toi, Pascal, vous avez pu jouer quelques morceaux. Voilà, donc là c'était en comité restreint, on va dire, puisque pour que Magali puisse sculpter, il lui faut entre une heure et demie, voilà, pour que ça puisse rendre quelque chose et que ça soit visible tout de suite dans le résultat. Au niveau visuel, et voilà, donc là on avait quelques chansons qu'on a proposées, une ou deux anciennes, je crois, puis quelques nouvelles. Voilà. Alors, c'était l'occasion de pouvoir partager pour la première fois avec un public les nouvelles chansons qu'on avait faites, pour voir comment elles étaient accueillies, quoi, et ma foi, elles ont plutôt été accueillies de façon très, très sympathique, quoi. Donc c'est bon signe pour la suite. Bah, ça nous a encouragé pour la suite, parce que à l'origine on devait faire qu'un seul disque, hein. Moi j'avais écrit des chansons pour un seul disque, ça fait 30 ans que je le peaufinais, donc on l'a fait, ça y est. Donc normalement on était proche de la retraite, même si c'est un mot qu'il faut aujourd'hui, éviter, oui, de prononcer aujourd'hui, quoique je pense que on était nombreux ce matin à pouvoir dire que c'était important de pouvoir y réfléchir. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que on nous a conseillé d'envoyer notre disque au programmateur d'un réseau de radio qui s'appelle le réseau Kota. Ah ben... Alors, qui est venu se rajouter, parce que bien évidemment, on n'oublie pas que la première radio qui a promu les tourneurs Fraser, c'est Radio Arc-en-Ciel. Merci, Radio. D'ailleurs, moi, je suis très ému d'être de nouveau derrière ce micro, parce que j'ai eu l'occasion d'y sévir en tant que chroniqueur dans une vieille émission, et donc j'en profite au passage pour saluer tous les auditeurs, et en particulier Irène, qui régulièrement nous suit et nous fait des messages très sympathiques. Je crois que c'était avec Albino, notamment dans Mavrica. Vous voyez, on est venu aussi avec Albino, chez David McLean aussi, du temps où ça va le faire, etc., où je chroniquais à un moment donné. Et donc, longtemps après que Radio Arc-en-Ciel nous ait déniché et nous ait diffusé, donc on a donc envoyé notre disque aux 18 programmateurs du réseau Kota. Alors, le principe, c'est que les programmateurs décident de vous diffuser ou non, et s'ils décident de vous diffuser, ils font voter leur public pendant un mois. Et donc chaque radio fait son classement au bout d'un mois et envoie son classement à la tête de pont qui est située à Rennes, je crois. Oui, c'est Rennes. Et donc sort tous les mois le classement des 35 artistes francophones les plus diffusés sur le réseau Kota. Et on a eu la surprise au mois de novembre, d'octobre l'année dernière, de voir que d'une part on était premier dans le classement d'une radio qui était à Limoges. Et puis deuxièmement, qu'on était classé dans le classement national, puisqu'on était 25e, je crois. Et donc c'était complètement inespéré, parce que c'est assez rare que des disques en autoproduction se retrouvent classés dans le classement national. Et non seulement on a été classé en octobre, mais en novembre, on était de nouveau classé dans le classement national, et on avait gagné deux places, puisqu'on était 23e. Et donc, du coup, ça a été un peu une surprise, quoi, quelque chose un peu vertigineux, parce que ça voulait dire que des gens qui avaient écouté nos chansons à un endroit où, qui n'étaient pas nos amis, enfin, qui n'étaient pas nos copains, notre famille, nos amis, avaient été sensibles à nos chansons. Et donc, c'est Pascal qui a dit, va falloir qu'on remette le couvert et qu'on fasse d'autres chansons. Mais je lui ai dit, mais moi, j'ai tout donné. T'as 40 ans de production, là, mon pauvre ami. Et donc, il a fallu se remettre à écrire. Et ça a été très, très intéressant, parce que du coup, d'abord, j'ai jamais écrit autant de chansons que ces 6 derniers mois. Et en même temps, ça a été une expérience très intéressante, de voir que il y avait encore des choses qu'ils pouvaient écrire et que l'écriture, il suffisait de s'y mettre pour que éventuellement des choses puissent exister. Et puis après on a mis de la musique dessus, on a mis des arrangements, on les a testés, et puis voilà, aujourd'hui on est en mesure d'une part de préparer un deuxième album pour lequel on espère rentrer en studio à la fin de l'année 2020, et d'autre part de proposer pour le coup un concert qui va être organisé autour de que nos chansons, que des nouvelles et aussi les anciennes du premier, mais ça va être la première fois qu'on va faire un concert au sens où on ne chantera que les choses qui sont sur nos albums, et qu'on est en mesure, d'ailleurs on est même en mesure de, on est obligé de faire une sélection, parce qu'on s'est aperçu que si on chantait tout, ça ferait à peu près 2 heures et quart entre les reprises, quelques reprises qu'on a sur le disque, les chansons originales, les textes de Magali, et donc il a fallu qu'on fasse une sélection, parce qu'on est déjà dans une situation où on ne peut pas tout chanter. Donc comme le disait Pascal tout à l'heure, Magali est sur scène avec nous pour faire la sculpture, et donc pour que cette sculpture puisse prendre vie, il lui faut au minimum 1h15, 1h30, donc du coup là ce qu'on proposera à Vigelin, ce sera 1h30 organisée autour des quelques reprises qu'il y aura sur nos albums, des chansons originales, des textes de Magali, et bien évidemment on aura le temps de voir jaillir de la terre qu'elle pétrira durant la totalité du concert une sculpture originale dont pour l'instant même nous n'avons aucune indication. Elle nous a dit que ce serait une surprise, donc voilà. Dans le processus de création des Tourneurs Fraser, donc Patrick au texte, Pascal à la musique, ou c'est un travail collectif, c'est un travail commun, la composition? Alors aujourd'hui aujourd'hui la façon dont on fonctionne est plutôt la suivante. Moi j'écris les textes et je viens avec une mélodie. Voilà, la mélodie on la garde, on la fait évoluer, et après Pascal propose des arrangements. Alors ça peut tout changer un peu. Je vois par exemple, je me souviens sur une nouvelle chanson qui s'appelle Longueur Océane, où moi j'étais venu avec une musique assez langoureuse, assez triste, etc. Finalement c'est devenu une bossa. Donc moi je viens avec le texte, la mélodie, et ensuite les arrangements c'est plus lui. Alors j'ai des vidéos d'ailleurs que je garde précieusement pour les diffuser le moment opportun, où on le voit chercher les arrangements, etc. Donc on a comme ça quelques séances de travail, et puis quand il nous semble que l'affaire est un peu structurée, on fait un premier enregistrement pour pouvoir avoir un point de repère, et puis après c'est tout un travail de répétition et de répétition encore pour que le morceau soit au point. Ensuite il faut penser aux harmonies avec la clarinette, donc pouvoir répéter aussi après avec Anaïs, voir comment on articule le piano avec la clarinette, etc. Et là c'est et donc, Pascal qui écrit les arrangements pour la clarinette, ou c'est Anaïs qui est suffisamment expérimenté pour poser sa clarinette sur l'arbre. Non, c'est un travail de répétition en fait, et elle teste des choses, et puis après nous on est plutôt dans le bon sens en disant oui ça nous plaît, c'est on garde, etc. et puis elle fait ses propres parties et arrangements. Quelque chose d'écrit, mais en fait ça bouge souvent. Au fur et à mesure en fait de la réflexion. Voilà, et puis après on l'a fait écouter aussi à des copains, à des proches, etc. au début, et puis qui nous disent celle-là j'aime bien, mais alors ce moment-là j'aime pas. Alors après ça devient un sujet de débat entre nous, et puis on essaye autre chose, et puis après en règle générale c'est assez consensuel chez nous, hein, c'est-à-dire que ça débat, et puis après la décision est assez unanime, et puis des fois c'est majoritaire, hein, des fois c'est 2-2, des fois c'est 3-1, ça avance comme ça, et puis au bout d'un moment on est d'accord sur la structure, et on sait que ça va être ça qui va être notre point de repère pour pouvoir jouer le morceau, en laissant bien sûr la possibilité aux instruments et éventuellement aux chanteurs de pouvoir improviser un petit peu dans l'interprétation, de façon à ce qu'on n'ait pas toujours l'impression d'entendre la même chose. Et là, dans ces nouveaux morceaux que vous allez proposer le 14 décembre à Viglin, est-ce qu'il y a eu un morceau qui vous est apparu comme ça, naturellement, sortant du lot, et de se dire, tiens, celui-ci, ça pourrait être un peu notre étendard, notre single, si j'ose employer le terme, pour le deuxième album? Alors ça, c'est une question un peu compliquée, parce que il y aurait une réponse mécanique dans la structure du premier album, ce qui est probablement il y a deux textes phares dans le premier album, c'est Absence, la dernière chanson du disque, qui a d'ailleurs donné son nom à l'album, puisque l'album s'appelle Absence mais cette fois-ci au pluriel, et il y a La Peste, qui est une chanson un peu particulière qu'on a fait avec avec Karim, donc de Tushyland, qu'on salue au passage. Donc c'est vraiment les deux chansons emblématiques, et il se trouve que Absence est la dernière chanson du disque. Là aujourd'hui, on n'a pas encore toute la structure, mais on connaît la dernière chanson du disque, qui va s'appeler Épilogue, qui s'appelle Épilogue parce qu'elle existe déjà. C'est bien choisi. Et donc du coup, si on restait dans une approche mécanique et dans une logique du premier album, on pourrait se dire, le premier album c'est la dernière qui était emblématique, donc celui-là ce sera aussi la dernière. Pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire, parce que officiellement il manque encore 3 chansons. Officiellement, il manque encore 3 chansons, dont 4 sont déjà en cours d'écriture, donc je pense qu'on va pas manquer. Et c'est dans la structure après qu'on verra quelle est la chanson qui va ressortir. Aujourd'hui, il y a une chanson quand même qui est un petit peu particulière, un peu comme l'était La Peste. C'est la chanson qu'on a écrite avec Elodie. C'est une chanson qui est un peu particulière. Elodie est une jeune femme de 30 ans qui a été élève de Magali, puisque Magali travaille dans l'éducation nationale, et quand elle était en CM1, CM2, Elodie a été son élève. Et pas l'été dernier, mais l'été d'avant, Elodie est venue nous voir avec Simone. Alors Simone, c'est le nom qu'elle avait donné à sa guitare, et elle est venue nous voir en disant, je voudrais écrire une chanson pour ma famille et pour mes amis, pour leur dire qu'il faut garder espoir, parce qu'Elodie est atteinte d'un cancer généralisé. Elle sait que la maladie, que le combat contre la maladie est compliqué, et elle voudrait contribuer à soutenir ce que moi je trouvais admirable, ses parents, ses frères, ses amis, etc. Et elle dit, j'ai quelques accords mais j'ai pas les paroles, donc j'aimerais que vous m'aidiez à écrire les paroles. Et donc on a passé toute une après-midi avec Elodie à échanger avec elle sur sa maladie, sur la façon dont elle vivait ça, sans aucun tabou, mais avec beaucoup de respect, je pense, dans les échanges qu'il y a pu y avoir. Et dans la nuit, il y a une idée qui m'est venue. J'ai imaginé, parce que Elodie avait un surnom qui est Elo. Et donc j'ai imaginé un peu, puisqu'elle avait été l'élève de Mag, j'ai imaginé un peu un dialogue sur le mode Jacques a dit lever un bras, Jacques a dit etc. Là, ce fameux jeu qu'on pratique dans les cours d'école. Et j'ai imaginé un dialogue entre la maladie et Elodie. Et donc j'ai écrit un texte en reprenant les mots qu'Elodie avait eu la gentillesse de me partager. Et le lendemain, je me souviens, il était 10h36, je crois, ou 38, enfin quelque chose d'assez précis dans la mémoire. Je lui ai envoyé le texte et elle a dit, ouais, ok, c'est exactement ce que je voulais. Donc ensuite, elle est venue travailler avec nous chez Pascal pour essayer de trouver des mélodies. Donc on a trouvé plusieurs mélodies, on a commencé à travailler. On devait clipper cette chanson. Et malheureusement, Elodie nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Conformément à ce sur quoi on s'était mis d'accord avec elle, eh bien, nous continuerons à faire voyager ces mots et à partager ces mots qui existent aujourd'hui dans 2 versions, puisque nous, on avait commencé à travailler une version sur une des mélodies qu'on avait trouvées avec elle, et on a découvert, après qu'elle soit partie, qu'elle avait sur une autre mélodie que nous avions travaillée ensemble, qu'elle avait enregistrée une version sur son téléphone portable avec sa guitare. Donc il existe une version de cette chanson guitare-voix avec la mélodie qu'avait peaufinée Elodie, et puis il existe la version des Turner Fraser qui sera sur l'album, et qui fera que probablement cette chanson qui s'appelle Elodie, tout simplement, sera probablement une chanson un peu particulière, sur l'album, quoi. Et les autres textes de ce second album qui ont été écrits, tu le disais, Patrick, en quelques mois, ils transmettent un message particulier, ils ont des significations, ils ont une importance. Alors oui, je pense que toutes les chansons partagent des messages, que ce soit des messages d'amour, que ce soit des messages d'amitié, ou que ce soit des messages politiques, ou que ce soit premier du terme, c'est-à-dire la conception qu'on a du citoyen dans la cité. Et donc un peu comme on avait ça dans le premier album, on avait des chansons un peu engagées, comme 40 000 enfants par exemple, qui est une chanson un peu coup de poing, des chansons d'amour comme Absence. Bien là, on retrouvera ça dans ce deuxième album. On a par exemple une chanson qui s'appelle Longueur Océane, qui est une chanson que j'ai écrite pour ma fille aînée, et donc qui était avant tout une chanson d'amour. Et puis on aura aussi une chanson qui est une chanson plus politique, qui s'appelle 11 septembre. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette chanson ne fait pas référence à ce qui s'est passé aux États-Unis, mais à ce qui s'est passé en 1973 au Chili, puisque on parle beaucoup du 11 septembre et des avions sur les deux tours aux États-Unis, mais on oublie malheureusement trop souvent que le 11 septembre 1973, il y a eu un coup d'État au Chili. Salvador Allende, qui était le président élu du Chili, s'est fait assassiner par la junte militaire, soutenue d'ailleurs à l'époque par les États-Unis. Et donc voilà, j'ai souhaité faire une chanson sur cette date en trompe-l'œil, puisque on va dire une tragédie peut en cacher une autre, et que toute tragédie mérite aujourd'hui qu'on la garde en mémoire pour contribuer de la modeste place qui est la nôtre à faire en sorte, un, que l'on n'oublie pas, et deux, si possible, que les choses ne se reproduisent pas, quoi. Bien. Que dire après cela, si ce n'est peut-être qu'on fait une petite pause musicale avec, tu en parlais tout à l'heure, de la peste. Qu'est-ce que vous en dites? Eh ben pourquoi pas. On écoute tout de suite la peste et on continue après avec les Tonneurs Fraser qui seront en concert le 14 décembre à Viglin. Tout à fait, c'est ça. 20h30. Oui. 20h30. On c'est en ça. Parle juste après. Entrée libre, sortie gratuite. Wesh frère, qu'est-ce qu'on peut faire contre la peste? Pourquoi pas un morceau fraternel, genre Dutchyland et Tourneur Fraser, ensemble pour toutes les nationalités. En plein cœur de l'été, au temps des clairs de lune, je vois se propager l'horrible peste brune. C'est elle qui fait qu'on tire sur un gosse de 10 ans, qui fêtait d'un sourire la fin du ramadan. Et son éclat de rire se finit dans le sang, la bêtise délire, et puis revient le temps où l'on meurt simplement d'être d'une autre race, d'être un peu différent, de suivre une autre trace, de la rue des Rosiers en passant par Nanterre. Le monde est gangréné de ce démon sectaire que l'on nomme racisme, qui n'est que le symptôme du cancer du fascisme qui abêtit les hommes, les pouvoirs complices, les médias du silence. C'est le feu d'artifice de notre intolérance. Où est l'intelligence quand on condamne à mort l'autre et sa différence, sans comprendre, sans remords? En plein cœur de l'hiver, dans la rubrique fait divers, toujours les mêmes qu'on supprime, toujours les mêmes qu'on enterre. La peste, partout elle s'est propagée, c'est un jour de l'an, c'est dans son sang qu'on s'est tous noyés. Laver l'esprit de la fête, sa couleur blanche est née pour certains. La peste n'a pas de trépied quand elle tient une lampe dans sa main, dans sa tête. C'est la guerre, oublie les larmes de nos mères, je suis venu sonner l'alarme et en a marre de perdre des frères. La peste n'a pas de scrupules devant rien, elle recule. Comment lui faire face quand dans ma race y'a des crapules? Heureusement, on n'est pas tous comme elle. Elle est nationaliste et elle se croit immortelle. Qui sera le prochain sur la liste comme la dernière note du pianiste? On essaie de vivre ensemble, ils essaient de rire de la liste. Si j'insiste, c'est que la peste rime avec raciste. Quand un arabe tue un blanc, ça fait du mal dans nos poitrines. Partout le bruit des bottes résonne dans les rues, les peuples qu'on garotte et les enfants qu'on tue. De Yara à Moulin, d'Aliende à Toufik, on voit les assassins au visage cynique, bafoués du revers, la simple dignité. Ce sont les tortionnaires de notre liberté. Ils ont le mufle court et le front de la bête, qu'on ne tue pas toujours, rien qu'en coupant la tête. Mais écoutez-moi bien, vous les forces nouvelles, les ailés, le peignant, les tueurs de soleil, pour que vive la race du pays qu'est la terre, vous trouverez en face le feu de la colère. La vérité vaincra, la raison va gagner, même si pour cela il vous faut nous tuer. Nous crierons haut et sûr du fond de la colère qu'au-delà des ordures nous sommes tous des frères. Par tous les bruits des sirènes, résonne dans nos têtes. Je réfléchis au fond de ma tête, entre victoire et défaite. C'est pour le petit Étienne qui a rejoint les étoiles. Assassin, tu paieras ta peau cachée sous un voile. Beaucoup vont te défendre pendant que d'autres veulent te punir. La vérité a ses raisons, que mensonge n'a pas vu venir. J'ai pas lu ton avenir, j'ai déjà commencé à finir. Comment ça va, moi ça va pas, et ouais ça devient de pire en pire. Une couleur, une différence, tu peux laisser ta vie. Parce que t'as la peau blanche, ils veulent pas ton paradis. J'ai vu ce raciste traiter les blancs de mécréants, s'armer d'une arme blanche pour faire peur à tous ces gens. Dans sa vie rien de cohérent, il se cache derrière sa colère. Une colère qui n'a pas de frontières, le front collé au sol pour sortir du désert. Ne pas croire au mirage, car au fond on est tous frères. Studio Émergence pour Stéphane, Patrick, Pascal, Kérim, pour toutes les personnalités, les frères du monde entier. Ah, tous ensemble contre la peste, ça meurt pas. Côté association, Fabien Dumas, Radio Arc-en-Ciel. 14h49, on est de retour dans l'émission Côté Association avec les tourneurs phraseurs. Alors il nous reste 6 minutes pour terminer cette interview. Alors on parlait juste avant des textes des tourneurs phraseurs, écrits et composés par Patrick et avec les arrangements de Pascal. Mais vous avez une couleur qui est associée à votre duo, à votre trio, voire votre quatuor par le moment, c'est le rouge. Parce que vous avez retravaillé, vous avez refait un nouveau logo. Et sur scène, pour les gens qui ont eu la chance de vous voir déjà, il y a des petites touches rouges sur des détails vestimentaires. Alors pourquoi cette couleur rouge est-elle associée au tourneur phraseur? Alors le rouge et le noir, oui. Alors, rouge et noir, oui. Pourquoi le rouge et le noir? Je sais pas trop. En fait, au début, quand on a commencé à chanter, les gens, on a eu plein de gens fort bien intentionné, et ça me donne l'occasion, puisqu'il est cité dans le morceau La Peste, de faire un petit clin d'œil à Stéphane du studio Émergence, qui nous a fait l'enregistrement du premier album et qui nous avait dit bah, les gars, va quand même falloir penser à un dress code, va falloir penser peut-être à faire des chansons plus rigolotes, va falloir penser à avoir un logo, va falloir. Et donc l'idée elle a un petit peu cheminé, et en fait ce qui s'est passé, c'est que souvent on était en noir sur scène, et puis moi j'avais un foulard à l'époque qui était un foulard rouge, donc ça s'est fait un petit peu par inadvertance comme ça dans un premier temps. Et puis un jour j'étais à La Rochelle et j'avais la possibilité de faire un logo, enfin de faire un tag par un graffeur qui était là, et je lui ai demandé sur un tissu rouge d'écrire les tourneurs phraseurs. Donc il a écrit les tourneurs phraseurs sur ce t-shirt. Donc je suis revenu avec ce t-shirt qui avait été transformé pour l'occasion en sac à course, avec marqué les tourneurs phraseurs dessus. Et quand je l'ai montré à Pascal, Anaïs et Magali, on s'est dit ah ouais, le logo ça pourrait être ça. Et donc on a commencé à faire travailler un ami qui s'appelle Vincent sur le logo. Alors il est en Afrique actuellement, donc ça s'est fait beaucoup par internet. Le logo est devenu quelque chose de totalement différent de ce qu'il y avait à l'origine, mais on est resté sur le rouge et le noir. Et comme c'était un peu fait par inadvertance, mais que quelque part, y compris sur la symbolique hein, du rouge et le noir, dans ce que ça renvoie à la littérature, et puis du rouge dans ce que ça renvoie aussi à la conscience citoyenne, eh ben, on s'est dit que ça pouvait, en tout bien tout honneur, être notre signature et notre identité visuelle. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé, un peu par volonté et un peu par inadvertance. Donc le rouge et le noir, ce sera présent sur la scène bien sûr le 14 décembre. Est-ce qu'on peut présenter un peu cette soirée du 14 décembre, si on en a un peu parlé, mais comment est-ce qu'elle va se dérouler? Est-ce qu'il y aura des surprises, des invités? Est-ce que voilà Alors, qu'est-ce qui attend les spectateurs et les spectatrices? Alors, la surprise, c'est vrai que les tourneurs phraseurs, jusque-là, on faisait beaucoup dans les interventions qu'on faisait, les concerts qu'on faisait, ça relevait un petit peu de l'animation. C'est-à-dire qu'il y avait souvent beaucoup de nos chansons, mais il y avait aussi des reprises de chansons d'autres chanteurs, etc. Là, pour la première fois, ce qu'on va proposer, ce qu'on va partager avec le public, c'est vraiment un concert des tourneurs phraseurs. C'est-à-dire que c'est la possibilité de venir écouter essentiellement essentiellement que des chansons que nous avons commis, donc de ce qu'on espère être de la bonne chanson française artisanale. Alors il y aura évidemment quelques reprises dont les deux qui sont actuellement sur notre premier album, et comme surprise on dévoilera aussi quelles sont les deux reprises qu'il y aura sur le deuxième album, puisque on a eu la chance de commencer à obtenir les autorisations, et ce sont deux chansons d'un chanteur qui nous tient particulièrement à cœur dans ce qu'il a laissé dans la chanson française. Je donnerai juste un indice. Claude Nougaro disait de ce chanteur: c'est probablement le plus grand auteur de chansons du XXe siècle. Donc je ne dirai pas son nom là. Je laisserai les gens venir découvrir le soir du concert de quel artiste il est question, et à l'occasion on fera passer après le 18 décembre la réponse à la question: mais quel est cet artiste dont Claude Nougaro disait qu'il est le plus grand auteur de chansons du XXe siècle. Donc il y aura ça. Je vais pas tenter ma chance, je vais garder la surprise. Est-ce que pendant ce concert-là, qui est un petit peu exceptionnel, parce que vous l'avez annoncé longtemps à l'avance, hein, ce concert-là, est-ce qu'il y aura une captation vidéo ou un enregistrement audio pour garder un peu une trace de ce moment un peu particulier? Alors il est prévu un enregistrement audio, il est prévu aussi une captation vidéo. Alors après on verra ce qu'on en fera, parce que dans un premier temps, on envisageait de faire peut-être un album un peu live par rapport au tourneur Fraser. Le souci c'est que un album live, ça en général se fait en fin de tournée, c'est-à-dire lorsqu'on a bien rodé les morceaux. Ouais. Et là on est encore en recherche les morceaux, donc je pense qu'on gardera bien évidemment un souvenir et il y aura une captation de ce concert, mais plutôt comme document de travail pour nous permettre à nous après soit de faire la promotion des tourneurs Fraser, soit de pouvoir continuer à travailler, puisque aujourd'hui dans le fait qu'on soit quatre et dans l'alchimie qui est en train de se densifier et de s'intensifier avec la présence désormais d'Anaïs à la clarinette, eh bien il y a encore besoin de travailler pour que les enregistrements qu'on aura puissent supporter une multi-écoute de la part d'une même personne. C'est-à-dire que c'est aussi ça que donne le travail en studio, et sur lequel notamment Stéphane nous avait bien conseillé, c'est que quand vous arrivez en studio, il faut que les morceaux soient vraiment bien bien rodés pour être sûr que lorsque les gens vont écouter encore et encore votre disque, qu'ils aient le même plaisir et non pas qu'ils repèrent que là ou là il y a une petite imperfection. Et donc du coup on est encore dans cette phase de travail autour des morceaux, donc il y aura une captation qui sera faite, oui, et puis on verra ce qu'on en fera derrière, notamment par exemple pour des promotions sur YouTube. Bon. Et l'enregistrement prévu l'année prochaine, en fin d'année 2020? Au pire, oui, le temps que les morceaux se mettent en place. Si tout va bien, on pourrait rentrer en studio en juin, mais je pense que c'est plus raisonnable de dire que ce sera en septembre, et que probablement le deuxième album des Tourneurs Fraser sera disponible pour Noël 2020. Et toujours au studio Émergence à Châteauneuf? Probablement aussi. Faut voir si Stéphane est encore prêt à nous accueillir. Et on sera sur la même structure que le premier album, c'est-à-dire 17 morceaux, 3 textes de Magali, 2 reprises et 12 chansons originales construites par les Tourneurs Fraser. Bien. Est-ce qu'on peut rajouter peut-être simplement que donc le concert exceptionnel des Tourneurs Fraser, donc ça se passera samedi 14 décembre, 20h30 à la salle des fêtes de Viglin. Donc Viglin, c'est à quoi, 7-8 km de Sully-sur-Loire. C'est ça, oui. C'est ça, on exactement. Mais en venant d'Orléans, on peut passer par Tigy, voilà. Une route directe. Toutes les routes mèneront à Viglin le 14 décembre. Exactement. Alors si le jour du concert, donc en exclusivité, hein, puisque on a fait un logo, et puis qu'on fait un deuxième album, et puis qu'on fait maintenant du merchandising, donc on sera présenté en exclusivité ce soir-là le gobelet à l'effigie des Tourneurs Fraser pour pouvoir aller ensuite déguster une boisson fraîche à la buvette. Donc voilà, le logo sur un gobelet est immortalisé aujourd'hui. Et les gens qui viendront le soir du concert le 14 décembre auront en exclusivité la possibilité de se procurer ce petit ustensile. Alors c'est symbolique parce que ça renvoie au festival, mais on trouvait ça rigolo de pouvoir faire ce gobelet. Et puis on est assez fiers du logo et du travail de Vincent. Il est très beau. Et puis ça donne un cachet aux affiches noires et rouges, etc. Que beaucoup de gens nous ont dit ouais, elle est chouette votre affiche, etc. Donc du coup, on persiste et signe dans cette identité visuel là, et dans le partage de nos couleurs et de notre logo. Il y a des groupes qui préfèrent vendre des t-shirts, vous préférez vendre des gobelets réutilisables, c'est bon pour la planète, le clin d'œil est sympa, et le clin d'œil également sur l'affiche, entrée libre, Et sortie gratuite. Exactement. Ça a interpellé les personnes que je connais. Eh ben oui, c'est-à-dire que... Mais l'humour est toujours là. Quoi. Voilà, c'est... c'est vrai qu'on souvent on nous dit que nos chansons sont parfois un peu tristes, mais on est aussi des gens bourrés d'humour d'une part, et puis d'autre part, c'était juste pour dire que voilà, on est sur un moment où là, on souhaite partager avec les gens nos nouvelles chansons. Donc, alors évidemment, ils auront la possibilité d'acheter le disque, de pouvoir prendre une bière, de d'acheter le gobelet, etc. Mais on souhaite pas que, pour ce moment de partage, que la question de l'argent soit un problème, un frein, un questionnement, etc. Donc la participation sera libre, mais l'entrée est totalement libre et la sortie aussi totalement gratuite pour pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir venir partager ce moment un peu particulier avec nous le 14 décembre à Ville. Eh ben, très bien. Pascal, je te laisse le mot de la fin. Je crois que Patrick a dit énormément de choses et voilà la vérité, voilà, de ce qui va se passer. Quoi dire de plus? Moi je suis très heureux de faire partie de ce groupe et notre rencontre, on en parlera peut-être avec les gens après le concert, voilà, comment on s'est rencontrés et pourquoi on est devenus les Tourneurs Fraser. Et comment on est devenus les Tourneurs Fraser, et puis je pense que l'aventure va durer longtemps. Donc ça me fait écho à ma dernière question que je pose traditionnellement à mes invités. Si vous deviez prévoir, faire tourner, changer complètement de cap, de direction, de champ d'activité, tu en parlais là, est-ce que ce serait peut-être que les Tourneurs Fraser soient les acteurs principaux d'un documentaire, une sorte d'un biopic les Tourneurs Fraser, ou est-ce que ce serait un guide des bonnes manières, ou comment écrire une chanson en 6 mois, ou alors qu'on peut faire un album en 30 ans, je sais pas, c'est... Je crois que si on devait réfléchir comme ça, si on devait répondre à la question, probablement que ce serait une autre façon de partager l'amour des mots et l'amour de la musique. Donc voilà, je sais pas comment on pourrait faire, est-ce qu'on proposerait des ateliers d'écriture de chansons, oui, est-ce qu'on proposerait... Déjà... Je sais pas, mais en tout cas, ça sera autour de ça, ce sera autour du partage, et ce sera probablement autour à la fois du jeu de la musique et de l'écriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, je m'en aperçois souvent, se retiennent d'écrire. Et alors, en fait, s'ils acceptent de prendre le papier et le stylo, ils sortent souvent des choses qui sont pleines d'émotions. Et donc, rien que pour ça, si on pouvait, en réorientation, être des passeurs d'écriture, des gens qui incitent les gens à sortir leur instrument ou à descendre l'instrument du grenier ou à sortir leur stylo pour pouvoir écrire les mots, si on pouvait arriver à faire ça, je sais pas encore comment, mais c'est probablement vers ça qu'on va chercher. Et ben voilà, s'il y a des auditeurs, auditrices qui veulent faire appel au Tourneur Fraser pour quelque activité, que ce soit musicale, artisanale, d'écriture, voilà, le studio est ouvert. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci à toi, ça a été très rapide, mais ça a été très intense. Donc encore merci pour ton accueil et merci aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Et je refais un petit clin d'œil à Irène, que je n'avais pas embrassée en direct à l'antenne depuis maintenant quelques mois. Eh bien voilà, c'est chose faite maintenant. Une dernière information avant de se quitter, samedi 7 décembre, à la cathédrale d'Orléans, de 11h à 13h, sera donné un hommage à Johnny Hallyday. Et j'en parle parce que c'est Sébastien Braham, entre autres, qui est le co-organisateur de cet événement-là, avec un diaporama de photos de monsieur Daniel Angeli, qui était un ami proche de Johnny Hallyday et le photographe officiel. Mais il y aura aussi des reprises inédites de chansons par des artistes locaux. Donc ça se passe samedi 7 décembre de 11h à 13h à la cathédrale d'Orléans. Quant à moi, je vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, le 19 décembre avec l'association de Jargeau, Les Mains Tendues. On parlera solidarité, entre autres. Voilà, bonne fin de journée sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 15h passé de 2 minutes, pas Irène, Chantal devrait arriver d'ici quelques instants. Je vous quitte avec Nick Cave et les Bad Seeds, sortis de l'album tout récemment. On écoute le titre Waiting for You. Thank you.